soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Images du livre, parce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville, pour lui pâté de maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Étienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce lundi 16 septembre 2024. Lundi, une nouvelle semaine qui s'ouvre, deuxième semaine en ce qui concerne la reprise d'activité à la normale du 895 de Dio et ce rendez-vous Info Actu, des mots, des sons sensibles qui et que vous retrouvez, je vous le rappelle, les lundis, mardis, jeudi, 12h en direct, rediffusion à 19h et le lendemain 8h. Au programme de ce mag aujourd'hui, approche à grands pas les nouvelles journées européennes du patrimoine. Ce sera ce week-end, bien voilà, un patrimoine local, véritable. Il s'agit d'une amicale laïque stéphanoise, celle du Cred Rock en l'occurrence, que nous allons évoquer ensemble avec ici en studio et au micro, Nicolas et François, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le 895 de Dio. Vous êtes tous deux administrateurs de l'amicale laïque du Cred Rock. C'est bien cela ? C'est ça. Ouais, depuis déjà quelques temps pour l'un et l'autre. Eh bien, ça fait 4 ans pour moi. Toi, Nicolas, ça fait un peu plus. Ça fait beaucoup plus. Une bonne ou presque dizaine d'années. Ouais. Hein. Alors, on va évoquer les 100 ans de l'amicale laïque. Donc, cela fait déjà quelques années d'activité, d'existence sur la ville, mais comme bien d'autres structures, comme d'autres amicales, mais comme d'autres structures d'éducation populaire. On va évoquer, en tout cas l'occasion est saisie durant ce programme aujourd'hui, l'occasion d'évoquer cet événement exceptionnel, ces 100 ans de l'amicale qui va être fêté ce samedi 21 septembre à l'amicale laïque du Cred Rock. On aura l'occasion de revenir sur la programmation prévue de cette journée, mais cela va être l'occasion au-delà d'évoquer aussi l'histoire de l'amicale laïque installée sur ce quartier du Cred Rock à Saint-Étienne. Vous saisissez aussi l'occasion de cet anniversaire, de ce centenaire de l'amicale laïque pour la parution d'un ouvrage, un livre, une histoire de l'amicale laïque du Cred Rock qui effectivement va être présenté précisément ce samedi. Et puis voilà, ce sera l'occasion ensemble d'aborder cette histoire, ce patrimoine local presque comme je le disais, mais aussi l'actualité qui n'est pas toujours des plus évidentes. Mais on va tenter de faire un tour d'horizon de tout cela ensemble. Merci à vous en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons ouvrir ce programme en musique comme à notre habitude avec nos découvertes partenariat Ferrarock cette semaine, notre fédération nationale des radios associatives rock de France qui vous propose toujours double artiste album en découverte et partenariat chaque semaine. Alors nous allons nous arrêter sur une de ces découvertes cette semaine. Il s'agit de Junior Re avec un E. En effet, un groupe originaire de Paris, plutôt dans un registre, on va dire, pop française, composé de Anna Jean au chant, guitare, clavier, Soigny Elzingre à la batterie et Samy Osta, divers instruments et autres productions. Un groupe qui existe déjà depuis quelques années, puisque formé il y a presque 10 ans, c'était en 2013 à Paris, comme je le disais. La chanteuse, auteure et compositrice Anna Jean, que je présentais tout à l'heure, membre de ce trio, n'est autre que la fille de l'écrivain Leclésio. Un projet et un groupe qui a déjà plusieurs productions à son actif, un premier EP qui était sorti en 2016, de grandes tournées, un premier album qui était paru en 2017. Je précise que le groupe avait participé à la bande originale du film Les Fauves de Vincent Mariette en 2018. Un deuxième album publié en 2020, tout simplement intitulé 1, 2, 3. Et puis, bien, les voilà de retour avec un nouvel album qui s'intitule cette fois 3, 2, 1. Voilà, à l'inverse du précédent. Le groupe sévit dans un registre, je le disais, assez pop, en tout cas catégorisé comme tel, mais pour un style qui est aux influences très yéyé. On pourrait le dire ainsi, en tout cas vous allez vous en faire une idée tout simplement avec ce titre que je vous propose, À quoi bon, donc de Junior, en découverte Ferrarock cette semaine. Des mots, des sons sensibles, c'est parti. Se faire de l'effet à des fins pas tout à fait bien fondées, défaire le sens propre du sens figuré. À tort ou à raison, clamer au effort en déclaration, bourré de métaphores de contradictions, sans en émettre, sans poser de questions. Jouer les jeux. Qui dit mieux, qui dit mieux? À quoi bon jouer le jeu? Qui dit mieux, qui dit mieux? Camper sur ses positions, se divertir comme refaire diversion, changer tes corps comme de la décoration. À la première occasion, s'élancer, avancer, à reculer, suis la lancée à tâtons, à tâtons, sans croûter pour tourner en rond. Je le jeu. Qui dit mieux? À quoi bon jouer le jeu? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Bon, voilà un titre extrait de ce nouvel album de Junior, Junior Re, 3, 2, 1 est le titre de cet album qui est paru ce 13 septembre dernier, c'était vendredi dernier, via le label Phonograph. C'est un des albums et un des groupes partenaires et en découverte Ferrarock cette semaine, aux côtés également de Wisteria, l'album Licorice qui est également sorti vendredi dernier via le label ici d'ailleurs, qu'on aura l'occasion également de découvrir tout au long de cette semaine. Pour plus d'infos, actu et autres, alors que la Ferrarock sort aussi eh bien, d'un événement partenaire. C'était le festival Hop Hop Hop. C'était ce week-end du côté d'Orléans. Eh bien, reprise des découvertes et albums artistes partenaires cette semaine. Et vous en saurez encore davantage en écoutant le programme mutualisé collectif Dig Dig Diggers. Ce sera bien sûr ce vendredi 12h-19h et le lundi en rediffusion en matinale dès 8h. Et autre info actu, je le disais via la toile, le net, ce sont les www.ferrarock.org. Le principal menu contenu de ce programme aujourd'hui porte sur le centenaire de l'amicale laïque du Cred Rock. Avec en nos studios, présents ici et au micro, Nicolas et François, François Chamosset et Nicolas Laurenceau, pour vos véritables noms si je ne me trompe. Vous êtes donc tous deux administrateurs de cette amicale laïque. Expliquez-nous peut-être avant que l'on rentre dans l'histoire, et grande histoire, puisque centenaire aujourd'hui, fêté ce samedi 21 du côté de l'amicale quartier Cred Rock, comment peut-être vous-même avez intégré finalement cette aventure d'une amicale laïque locale. Qu'est-ce qui vous a amené à être administrateur et donc à prendre quelques responsabilités, être garant d'un projet tel que celui de l'amicale laïque sur lequel nous allons aussi pouvoir revenir. Qui veut commencer ? Eh ben, je vais commencer. Moi, j'ai rencontré l'amicale un peu en tant que voisin là, quand je suis revenu à Saint-Étienne pour le travail. J'habitais juste en face de l'amicale. J'ai commencé à participer à la MAP que l'amicale avait créée il y a quelques années. Et puis, à l'approche de la retraite, j'ai été sollicité pour mettre mes compétences à l'appui de l'amicale. Et donc, voilà, j'ai intégré le conseil d'administration à ce moment-là. Donc, par ce biais-là, en tout cas. Par ce biais-là, par le biais de la MAP. Et voilà. La MAP qu'on peut préciser, hein, c'est de l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Absolument. Donc, voilà. Toujours bon de le rappeler et qui d'ailleurs fête actuellement, sa démarche, puisque depuis aujourd'hui, ce 16 septembre et jusqu'au 16 octobre prochain, c'est AMAP en fête. Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, donc, partout en Auvergne. Donc la MAP du Cred Rock fait ses portes ouvertes lundi prochain lors de sa distribution hebdomadaire. Ok, voilà pour vous. Nicolas, peut-être François, comment... Moi j'ai une histoire beaucoup plus récente avec l'amicale laïque du Cred Rock. Moi, je suis néo-stéphanois, hein, je ne suis pas du tout originaire de la région. Et quand j'ai cherché un logement sur Saint-Étienne, je suis arrivé un petit peu par hasard dans ce quartier en 2019. Et puis mes enfants ont grandi et quand ils ont été suffisamment grands pour aller à l'école, j'ai commencé à fréquenter l'amicale dans le cadre du périscolaire. Et je dois bien reconnaître que c'est un lieu avec lequel je me suis tout de suite senti très très bien, bien accueilli. On sent que c'est un endroit où il y a une énergie, une force militante qui est incroyable, qui continue de me porter au quotidien. Hein. C'est vraiment remarquable. Et donc je me sentais tellement bien dans cet environnement-là que j'ai décidé de rejoindre le conseil d'administration pour m'engager davantage pour que ce lieu vive et prospère. Alors vous êtes deux ici représentants de l'amicale laïque, mais le conseil d'administration est composé de combien de membres actifs, de personnes ? Aujourd'hui, on doit avoir une quinzaine de membres actifs. Alors on n'est jamais 15 aux réunions du conseil d'administration. On est souvent un petit peu moins, mais tout le monde vient quand il peut, à tout le moment. L'idée, c'est surtout d'avoir une représentativité au sein du conseil d'administration de l'ensemble des activités que l'amicale accueille et héberge. On aura l'occasion d'y revenir, je pense, mais c'est un endroit où convergent tout un tas d'initiatives, de mouvements, pour pouvoir avoir une vision. C'est très compliqué d'avoir une vision globale de ce qui s'y passe, et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un conseil d'administration très étoffé et très éclectique. Par contre, on le rappelle, on parle de conseil d'administration, c'est-à-dire que l'Amicale laïque et l'Amicale en tant que telle est une association, loi 1901, dans ses statuts et créée donc il y a 100 ans, en 1924, j'allais dire 1924. On peut revenir sur l'historique, précisément, peut-être, de sa création. Donc l'Amicale s'est créée en 1924 sur la base de la réunion de deux ou trois associations d'anciens élèves des écoles primaires du quartier. Et au départ, c'était une association qui était très, très masculine, mais exclusivement masculine. Et au fur et à mesure, toute la population s'est intégrée dans l'Amicale. Et maintenant, je pense que les femmes sont majoritaires au conseil d'administration, ce qui est une bonne chose. Et donc, on a peut-être pas gardé toutes les activités de l'origine, parce qu'il y avait beaucoup de gymnastique qu'on ne fait plus, même si on a encore un peu de sport avec la section boxe. Et c'est différents secteurs. On a un gros secteur enfance, un secteur culturel assez varié. Et puis, je dirais, ce qui est un peu l'originalité de notre amicale, c'est le fait qu'on ait un lieu facilitant. Les gens du quartier qui ont une proposition à nous faire sont accueillis le plus largement possible, de façon à pouvoir réaliser leur projet. Est-ce que, François, vous souhaitez rajouter quelque chose ? Oui, on essaye, tant que faire se peut, de vivre avec notre temps. C'est vrai qu'on est une association qui a 100 ans aujourd'hui, mais on reste en prise avec le quartier tel qu'il est, avec sa population, avec les besoins de ses habitants. Et c'est ce à quoi nous, en tant qu'administrateurs, on tient, hein, c'est de pouvoir proposer une offre d'activité, mais aussi de services, de solidarité, qui soit en prise avec les besoins, les attentes de la population. Et c'est vrai qu'on est un peu réputé pour dire oui à beaucoup de choses. Peut-être qu'on dit oui à trop de choses aussi, c'est possible. Mais en tout cas, on a cette... C'est une posture qu'on revendique, d'être facilitant, d'être accueillant pour tous les nouveaux projets, les nouveaux habitants et les nouveaux acteurs de ce quartier. Très ouvert, en tout cas. C'est ça. Sur le quartier, mais pas seulement. Vous avez parlé de cette histoire, en tout cas de sa genèse, ce groupe d'anciens élèves de l'école voisine, à l'origine de la création de cette association d'éducation populaire, il faut le dire. Donc outil aussi de transmission, de diffusion de valeurs portées notamment, et c'est le cas de bon nombre, il me semble, d'amicales laïques, portées par la Ligue de l'enseignement, à laquelle vous adhérez. Qu'est-ce que cela implique et recouvre ? Tout à fait. Donc nous, on fait partie, on est une association membre de la Ligue de l'enseignement qui fédère l'ensemble des amicales laïques de Saint-Étienne et d'autres structures d'éducation populaire au-delà, dans toute la Loire. Nous, on a fait le choix à l'amicale laïque du Crédroc de résumer ces valeurs-là dans un triptyque qui sont culture, solidarité et résistance. Donc c'est vrai que la culture, c'est quelque chose auquel on est très attaché. On devrait même plutôt dire les cultures, parce que justement on souhaite proposer une offre culturelle, que ce soit à travers des concerts, des expositions, des manifestations, le plus éclectique possible, qui correspondent à tous les genres, tous les styles, en tout cas d'être le plus large possible. La solidarité, parce qu'on est un lieu ressource pour l'ensemble des habitants du quartier. Je l'ai précisé, on est centre d'accueil périscolaire, donc c'est vrai que on accueille les enfants les mercredis et après l'école du quartier, et on a une fréquentation de ces enfants qui est représentative du quartier, hein, c'est-à-dire avec recoupe toutes les classes sociales. On est un lieu d'accueil également des brigades de solidarité, et ça, c'est quelque chose dont on est très très fiers. Tous les samedis matins, il y a une distribution de colis alimentaires qui se fait, et à partir de cette distribution-là, il y a des réseaux de solidarité qui s'organisent pour des actions émotion particulière, que ce soit au moment de Noël, au moment de la rentrée, là, on vient d'en finir, pour pouvoir venir en aide aux familles les plus en difficulté du quartier. Et puis résistance, parce que on est en prise avec l'air du temps, et malheureusement on est aussi face aux difficultés que pose l'air du temps. On est encore un lieu de ressources pour toutes les énergies militantes, que ce soit du quartier ou de Saint-Étienne de manière plus générale. On véhicule tout un tas de valeurs qui nous semblent très fondamentale, qui est l'expression des libertés publiques, la liberté de conscience, la liberté d'expression, et donc la résistance à l'oppression, ce qui, dans le contexte actuel, nous paraît être une valeur qui a de plus en plus de sens. Oui, vous situez, en tout cas l'amicale laïque situe finalement son action dans cette double perspective, à la fois transformation sociale, politique, puisque tout est politique finalement, et d'émancipation à la fois individuelle et collective. Si on peut revenir aussi sur, alors au-delà du statut associatif, de l'amicale laïque en tant que telle, parce qu'on sait que les amicales laïques sont des structures qui maillent aussi beaucoup la ville et qui a aussi comme ça son histoire importante ancrée dans le paysage associatif et social local. Est-ce qu'on peut faire aussi un petit rappel finalement de ce que sont ces amicales laïques nombreuses sur la ville ? Elles sont nombreuses, elles sont aussi très, très variées. Beaucoup ont effectivement, comme nous, des structures par rapport aux enfants, ont une action culturelle. Je pense qu'une de nos spécificités, ça va être aussi d'intervenir sur le tissu urbain du quartier. Alors, notamment avec une préoccupation de végétalisation d'espace. Donc, on n'est pas que sur l'amicale, on est sur le square Chauvet, on est sur la rue Néron, où on a beaucoup permis de mobiliser la population de la rue pour savoir ce qu'on faisait de cette grande friche qui fait 7000 mètres carrés. Et voilà, c'est là aussi où on interfère avec les institutions. La ville de Saint-Étienne, l'EPAS, donc l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne, l'école des mines, où actuellement on a un jardin testeur qui va nous permettre d'évaluer la pollution résidente sur les terrains pour savoir ce qu'on peut en faire derrière, parce que c'est important. Puis ces espaces-là... quand on parle culture, on y a fait des concerts, on y a fait du théâtre à différents moments, dès qu'il fait beau. Et voilà, c'est aussi comme ça que l'amicale s'insère dans son tissu collectif et urbain. Est-ce qu'il y a justement des liens entre les diverses amicales laïques stéphanoises ? Il y a des liens qui passent par le canal de la Ligue, et puis il y a des liens concrets. C'est-à-dire que chaque amicale sont affiliés à la Ligue de l'Enseignement. Oui, et des liens concrets, on a fait alors plusieurs années des camps d'été en commun avec des amicales laïques. Voilà, c'est... Et puis les liens concrets, alors ils sont aussi très... Ils sont dans tout le tissu associatif du Crédroc et pas simplement des amicales laïques. On a comme ça tout un tas d'associations, on pourrait les énumérer. Certaines qu'on héberge, d'autres avec lesquelles on a des partenariats. Par exemple, le grand festival qu'on a fait cet été au mois de juillet, il a été co-organisé avec une association qui s'appelle La Rigole, qui est plus branché sur l'animation que nous, mais la synergie entre nos deux énergies a permis une belle réussite, il me semble. Oui, vous fédérez en quelque sorte hein, aussi bon nombre d'associations locales. Alors, vous parlez de cet événement de juillet, c'est Frichon Fête, hein, voilà, qui, a, tout à fait. Qui a mené sa deuxième édition, hein, me semble-t-il. D'autres actions qui sont menées et sur lesquelles vous êtes associé, hein, sur le quartier, je pense au Cri du quartier, cet événement aussi qui investit le quartier aussi et la place voisine, dont j'ai oublié le nom là. Mais, alors, les Cris du quartier, ils organisent 4 événements par an, voilà. La fête des escaliers en juin, le 1er mai, après la traditionnelle manifestation, et le bal du 14 juillet, voilà, bien sûr, sur le square du Jol, aussi, à côté de l'amicale. Tout à fait. Voilà, je pensais au cri du quartier. Et puis une autre, alors je ne sais pas comment il faut l'entendre aussi, puisque entité intégrante et finalement intégrée à l'amicale, mais pourtant qui semble indépendante, c'est la CAL, qu'on évoque aussi souvent depuis quelques temps. Est-ce que vous pourriez aussi présenter ce pendant-là, finalement? Alors c'est vrai qu'on a souvent hein, l'impression que la CAL est une entité indépendante de l'amicale laïque du Crédroc. Bon, je tiens à préciser que c'est faux juridiquement. Hein. Il n'y a pas d'association qui s'appelle la CAL et qui serait autonome au sein de notre quartier. C'est simplement un lieu qui est un lieu de concert, de rencontre, où on organise des conférences, des tables rondes, mais aussi des spectacles de danse, des DJ sets quelquefois, et qui est le lieu culturel de l'amicale à proprement parler. C'est simplement une salle qui a une capacité d'environ 100-120 personnes avec un bar et qui, par sa dimension conviviale, est un lieu à part, un lieu dans lequel qui est un peu le cœur battant de notre quartier. Ouais. Ouais, je voulais aussi le préciser, l'énoncé, parce que là aussi très ouverte hein, sur le milieu aussi associatif local, avec bon nombre d'événements qui s'y déroulent et que nous annonçons très régulièrement d'ailleurs sur cette antenne. Pour reprendre la CAL, à l'origine c'était le cercle comme il y en avait dans chacune des amicales. Et en fait, il y a quelques années, à peu près à l'époque où moi j'ai intégré le conseil d'administration, le cercle avait perdu sa dynamique et était pour nous aussi un gouffre financier. Et il y avait de plus en plus de friction entre le cercle et le secteur jeunesse. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on en fait? Et on a flotté un peu pendant 2-3 ans. Et maintenant, je crois que le lieu a repris une vie tout autre. Et c'est un peu le changement de nom entérine cette mutation. On n'est plus un lieu où on boit, on est un lieu où on écoute de la musique, où on réfléchit, où on écoute des poèmes. On a tout un tas d'animations, souvent des expositions de choses diverses et variées. En tout cas, un lieu ouvert, un lieu de vie. Et moi, ce que cela m'évoque aussi, et comme les autres activités que l'amicale peut mener, qui souvent est là aussi pour remplir une mission finalement ou d'action ou d'activité ou de lieu et d'espace défaillant parfois ou manquant aussi sur la ville. Beaucoup d'événements culturels via la CAL, des concerts comme vous dites et autres, alors que l'amicale et la CAL n'est pas un lieu dédié finalement, mais qui se prête en termes d'accueil, de conditions d'accueil, en termes de jauge et des lieux qu'on ne retrouve pas sur la ville et qui manquent peut-être parfois, mais comme sur d'autres aspects. Vous parliez de l'activité extrascolaire ou d'accueil jeune public, ce qui parfois n'est pas une mission première d'une amicale laïque, mais qui parfois vient remplir aussi cette mission qui peut être défaillante. Alors c'est vrai que la CAL en elle-même, c'est 1 à 2 événements par semaine tout au long de l'année. On avait essayé de compter en 2023, on a plus de 2000 passages uniques, plus de 2000 personnes qui fréquentent la CAL, soit une fois, soit plusieurs fois en une année. C'est vraiment très très important, c'est énorme. Et effectivement, on est sollicité et on est obligé de refuser des propositions de concerts, des propositions d'événements, parce que tout simplement, on n'a pas les moyens techniques, humains, d'accueillir toutes les demandes qu'on reçoit. Et on a bien conscience que ce type de lieu manque sur une ville comme Saint-Étienne. Oui, alors pour revenir sur aussi l'historique et l'histoire des amicales laïques et de la vôtre en l'occurrence. Bon nombre d'amicales ont dépassé le centenaire, hein, finalement, sur la ville. Je ne sais pas, vous, dans le paysage local, si vous êtes une des plus jeunes, comment vous vous situez un petit peu? Parce que voilà, je me rappelle avoir fêté les 120 ans de, je crois que c'était Michelet, mais il y a déjà, c'était en 2015, donc voilà, ça fait presque déjà 10 ans. les 130 ans, alors je dirais presque malheureuse de Beaubrun qui a dû fermer ses portes, c'était en ce début d'année. Voilà, vous, vous êtes jeune centenaire, quoi, finalement. Sans doute, oui. Alors, c'est vrai qu'on est jeune centenaire, mais... Les associations précurseurs existaient depuis le début du 20e siècle. Hein. Et donc, on sent bien d'ailleurs que dans l'activité de ces associations, les périodes de guerre ont toujours marqué des coupures, aussi bien en 14 qu'en 45, enfin en 39-45. D'ailleurs, cette période-là est une période sombre pour l'amicale, dans la mesure où nos locaux ont été occupés par les forces de Vichy et qu'il a fallu les en chasser à coups de masse au moment de la libération. Oui, ça fait partie. Vous êtes témoin de cette histoire aussi et de ces luttes à la fois sociales et politiques. Tout à fait. Si on devait en dresser comme ça rapidement, alors il y a un ouvrage qui va être présenté samedi, mais qu'est-ce qui vous a marqué peut-être en vous replongeant dans ses archives, dans son histoire ? Je crois que fondamentalement, et ça s'inscrit dans notre nom, hein, c'est que les amicales laïques, elles naissent dans le sillage de la loi de 1905, de la séparation des églises et de l'État, et y a la volonté, le projet derrière, est de construire un mouvement populaire émancipé des cultes et de l'emprise de l'Église catholique sur les loisirs, sur les temps libres, en quelque sorte. Hein. Pour moi, le projet initial de l'amicale, c'était de pouvoir faire quelque chose d'autre de son dimanche, rencontrer d'autres personnes dans un autre cadre qui soit pas religieux. Et aujourd'hui, c'est dans cette continuité-là qu'on se place, avec peut-être dans le sillage de la liberté de conscience, il y a la liberté aussi d'expression et d'autres libertés publiques qui s'inscrivent. Et pour compléter ça, dans l'esprit résistance, il est quand même à noter que pendant la guerre, à l'autre bout de la rue Royer, il y a l'église de la Nativité qui était en fait le lieu du groupe Témoignage Chrétien, où dans les caves de l'église, où on imprimait le bulletin. Et ce qui fait qu'on est une amicale laïque, mais on n'est pas une amicale sectaire. On a toujours su cohabiter et dialoguer avec des forces qui étaient dans la même dynamique. La résistance de l'occupation, c'était quand même un moment fort. Et dans le livre, vous aurez l'occasion de lire un témoignage d'un des responsables de l'amicale qui est mort en déportation. Et les membres du conseil d'administration à la Libération ont cherché ses traces et en fait c'est un prêtre qui a fini par leur répondre qu'il l'avait connu mais qu'il avait assisté aussi à sa mort. Alors pour revenir sur cet ouvrage, peut-être qu'on peut le présenter quand même rapidement, parce que là il tente de retracer comme ça ce centenaire d'existence et d'activisme, une histoire de l'amicale laïque du Crédroc. Une histoire, mais déclinée en mille histoires, j'imagine. Comment l'ouvrage, finalement aussi, tente de retracer cette histoire-là, justement, parce que les angles sont multiples, travaille dans les archives. Enfin, voilà, comment a été réalisé ce travail d'édition? Donc, on a travaillé sur la base de ce qu'on savait faire, c'est-à-dire l'exploitation de nos propres archives. Et donc on a retrouvé des cahiers où les différents conseils d'administration ont, année après année, j'ai relaté leurs activités. Donc c'est un point de vue qui est partial, qui est celui de l'amicale en fait, qui aurait certainement besoin d'être complété par des travaux d'historien, mais c'est peut-être une balle qu'on renvoie. Donc on accompagne ces associations, y compris les associations précurseurs depuis le début du XXe siècle jusqu'à la, donc à leur fusion en 1924, les interruptions de la guerre qui sont marquées, et puis bon, la description des activités. Il y a entre 24 et 34 toute une période où on sent que le souci, c'est de trouver un lieu un peu définitif. Et donc c'est compliqué parce que il faut trouver l'emplacement, il faut trouver les financements, l'architecte, etc. Enfin, et donc ça se réalise donc une dizaine d'années après la création de l'Amicale en tant que telle, dans le bâtiment actuel, qui a subi depuis des transformations, mais qui reste quand même le même espace. Une histoire de l'Amicale laïque du Crédroc, c'est donc un livre. Cela fait à peu près une année hein, que ce chantier a été engagé et entamé. Il est enfin prêt, il est présent physiquement. Il sera disponible le 21, ce samedi, pendant la journée. Pendant cette fête donc voilà. des 100 ans de l'Amicale, il y aura même une présentation de l'ouvrage à 17h samedi après-midi, puisque vous évoquiez aussi peut-être la possibilité d'historiens, aussi d'archivistes, de s'emparer de la question. C'est une vraie question, justement, et chose qui avait été abordée au sein, notamment, par exemple, du groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, le Grémos, à Saint-Étienne, qui reste sensible à cette question et qui l'avait déjà abordée au travers d'une émission qui est toujours en écoute possible. C'était en mars 2015, l'éducation populaire laïque dans le département de la Loire de 1895 à 1940, et qui était une des thématiques, justement, abordées, et qui s'inquiétait aussi... on va dire, on va en parler d'ici un instant aussi de l'actualité de ce tissu à la fois associatif, des amicales laïques, des acteurs de l'éducation populaire aussi sur le. Peut-être juste un petit mot sur le livre. Oui, pardon. Pour compléter. Donc, c'est un livre qu'on a voulu être un très bel objet, un objet historique pour marquer les 100 ans. Et donc, il a été réalisé d'une part avec, sur la base d'archives inédites qui se situaient dans les greniers de l'Amicale et qui ont été versées depuis aux archives municipales de Saint-Étienne, et on a fait intervenir un sérigraphe et un risographe pour éditer le livre, pour en faire vraiment un très bel objet. Et ce livre, il est disponible en pré-vente dès à présent. Vous pouvez le commander dès aujourd'hui et vous retrouverez le lien sur le Facebook de l'Amicale laïque. C'est vraiment un très très bel objet, et j'invite tout le monde à en commander un exemplaire. Et je ne l'ai pas encore parcouru, mais j'attends impatiemment de pouvoir le faire. Mais en tout cas, voilà, ce livre tente de retracer un peu comme ça toutes les années un peu charnières aussi hein, dans le parcours de cette amicale laïque. Et notamment dans son... Alors, un des passages que j'ai pu observer, c'est il y a à peu près 25 ans de cela, donc un quart de siècle pour l'amicale, son inscription dans... ce quartier qu'est le Crédroc, quartier cœur de ville, quartier centre-ville, quartier ancien, et justement catégorisé comme tel pour obtenir par exemple des financements possibles dans le cadre de la politique de la ville, puisque le quartier du Crédroc intègre effectivement en tant que quartier dit sensible, paupérisé, la politique de la ville. Et donc là aussi une année charnière, hein, début des années 2000, en s'inscrivant finalement dans ce cadre-là et pouvoir peut-être prétendre à des projets, ce dont on va parler aussi, parce qu'une amicale financièrement, comment vit-elle, ça va être une des grandes questions qu'on va aborder d'ici un instant. Mais voilà, ça fait partie en tout cas ça d'une année charnière aussi. Hein. Voilà, cette inscription dans la ville et notamment ce dispositif politique. C'est vrai que la politique de la ville, c'est un aspect fort de notre action. L'inconvénient, c'est que souvent, c'est fait de projets ponctuels qui prennent mal en compte la dimension culturelle. Mais néanmoins, c'est vrai que ça nous a permis de réaliser notamment ce qu'on appelle l'action produire de commun, qui a permis d'animer la friche Néron. Le jardin testeur est aussi intégré dans cette action politique de la ville. Et on a lancé cette année ce qu'on a appelé la boucle locale, qui est l'idée, c'est d'arriver à produire notre propre alimentation en lien avec les brigades de la solidarité et de faire circuler cette production et notamment les excédents que peuvent avoir les jardiniers à travers un certain nombre de boîtes à légumes qui sont installées en différents coins du quartier. Voilà, c'est des petites choses qui font que notre quartier vit plus facilement. On va parler des projets d'ici un instant. Je vous propose juste de faire une petite pause. Une proposition en tout cas musicale avec précisément un de ces groupes qui va être présent lors de cette fête de l'Amicale et des 100 ans de l'Amicale ce samedi. Je rappelle que cet anniversaire, cet événement exceptionnel va démarrer à partir de 14h avec des animations, des présentations des activités que mène l'Amicale, prise de parole à 16h, présentation de l'ouvrage à 17h, une conférence prévue sur l'éducation populaire à partir de 18h, avant un petit temps de restauration, et un concert, donc de façon plus festive en soirée à partir de 20h30, avec le groupe Amazir, que je vous propose d'écouter, groupe qui nous vient du nord du département, que l'on avait nous découvert via le dispositif Nos Talents sur scène à Saint-Étienne, qui avait été notre coup de cœur d'ailleurs. Amazir, Azul de Tacfarina, c'est ce que je vous propose d'écouter en petite respiration avant de revenir sur l'Amicale d'ici un instant. Voilà, Amazir, donc, qui seront en concert, puisque véritable formation, véritable collectif, hein, ce sera ce samedi soir à 20h30. On est vraiment très fiers de les accueillir pour nos 100 ans. On trouve que ce qu'ils font, ce qu'ils produisent, c'est vraiment une proposition très festive, très entraînante. Et aussi, on accueille des gens qui font vivre une culture qui a une place particulière quand même dans l'histoire. l'histoire de notre pays et dans l'histoire du Maghreb aussi, puisque bah voilà, la culture amazir ou kabyle, comme on dit en français, a été quand même fer de lance de la résistance au colonialisme français. Et puis aujourd'hui, a toujours une place particulière face au pouvoir autoritaire, qu'il soit algérien ou marocain. Donc c'est vraiment une proposition intéressante et qui est complètement en phase avec nos valeurs, ce qu'on défend et notre place aujourd'hui. Pour poursuivre dans cette émission des mots des sons sensibles consacrée aux 100 ans de la Mikale du Cred Rock, je voulais revenir aussi sur un point peut-être important, qui est cette situation, conjoncture, puisque je dirais cette année a été tout de même assez chaotique, et depuis ce début d'année notamment, où pas une semaine ne pouvait se passer sans qu'on apprenne un nouveau risque pour l'avenir d'une structure, je dirais, relevant de l'éducation populaire, centre social ou amical laïque. On l'a vu, de nombreuses structures ont mis la clé sous la porte. Certaines ont été déjà citées, hein, centre social de la Dame Blanche, la maison de quartier du Côte Chaude, l'amicale laïque La Chalet à Sierre, justement des amicales visées, Beaubrun encore ce début d'année, Moreno, Le Soleil. Bref, menaces et donc chape de plomb pesant, hein, sur ces structures. Et alors je voulais revenir précisément avec vous aussi sur le financement et fonctionnement d'une amicale laïque telle que celle du Cred Rock, qui n'a pas échappé, hein, justement, et qui n'échappe pas finalement aussi à ces menaces, à ces difficultés. Et pour ce, je voulais revenir sur un extrait de conseil municipal qui s'est tenu au mois de mars dernier et qui portait précisément sur l'attribution de subventions à diverses structures, centres sociaux, amicales laïques et autres structures d'éducation populaire. C'était le dossier 66 de ce conseil municipal de ce 15 mars dernier que je vous propose de retrouver avec diverses interventions de l'opposition. Vous allez entendre Isabelle Dumestre, Julie Toki et Siam Labiche en charge de ces questions à la ville de Saint-Étienne. Je vous propose d'écouter puis on réagit ensuite et on en discute. Oui, alors je souhaiterais savoir, parce que Isabelle, on n'a pas pu avoir cette discussion en commission, il me semble que dans ce rapport on a moins d'aide aux projets qu'on pouvait l'avoir en nombre, hein, de projets, pas en termes de volume de subventions, mais en termes de nombre de projets que par le passé à la même date. Mais plutôt que de rester dans l'impression, je voulais vous demander précisément quel est le chiffre en volume que vous avez évalué vous-même de l'économie réalisée par la municipalité sur les aides aux projets en direction de ces associations d'éducation populaire, puisqu'il avait été annoncé l'année dernière qu'il n'y aurait pas de baisse en fonctionnement et que la seule baisse irait sur les aides au projet. Alors c'est vrai que ça peut sembler, vu les montants, anecdotique, mais tout le monde sait bien que beaucoup d'associations d'éducation populaire, de centres sociaux équilibraient leur budget en allant répondre à tout un tas d'appels à projets, pas que ceux de la ville encore une fois, mais ça en faisait partie, et donc il y avait une sorte d'accoutumance assez, presque de dépendance à ces appels à projets qui permettent parfois d'équilibrer des budgets qui sont limites. Donc la première question, c'est dans quelle mesure on a vraiment une baisse de l'aide aux projets aux associations, et d'autre part la question, en lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la fermeture de plusieurs structures, est-ce que quand il y a dans un quartier la fermeture d'une structure, l'aide au fonctionnement dont elle bénéficiait est redéployée sur les structures restantes, sur les structures voisines? Là, on évoquait Beaubrun tout à l'heure, est-ce qu'il va être désormais demandé au Babé? Est-ce que l'entièreté des moyens qui étaient accordés à un quartier vont être redispatchés, ou est-ce qu'on profite au passage pour faire des économies? Je pose la question parce que dans le passé, que ça soit à la Côte ou à Côte Chaude, quand il y a eu des fusions de structures, quelle que soit la raison qui a présidé à ces choix, à l'arrivée, il y avait une perte de l'aide financière municipale apportée sur ces quartiers qui n'a pas du coup depuis été réévaluée. Donc là, on va vers des nouvelles fermetures, j'espère le moins possible, mais dans le cas où on a des nouvelles fermetures, est-ce qu'on peut maintenir au moins l'aide municipale, au moins à l'échelle du quartier, parce que fermeture de structure ne veut pas dire disparition des besoins sociaux, bien au contraire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet, Madame Toki? Dans cette délibération, nous votons donc les subventions pour 8 associations d'éducation populaire pour des montants, j'aimerais le rappeler, qui vont de 178 euros à 7111 euros. Et comme toujours, les élus municipaux d'opposition n'ont pas accès aux dossiers de demande de subventions. Je voudrais que ce soit bien clair pour les Stéphanoises et les Stéphanois qui nous écoutent. Nous n'avons pas accès, en tant qu'élus d'opposition, aux dossiers de subventions malgré nos innombrables demandes. Je vous vois froncer les sourcils, Madame Labiche. Je le répète, nous n'avons pas accès à ces dossiers malgré nos demandes. Donc l'opacité règne et c'est vraiment à se demander ce qu'il y aurait à cacher. Ce qui est difficile à cacher, néanmoins, ce sont justement, on a pu aborder le sujet tout à l'heure, les nombreuses fermetures successives de structures d'éducation populaire. Oh là là. Ces structures, eh oui, ben écoutez, je suis désolée, mais ça se voit. Ça se voit. On en a parlé, Madame Labiche, je vous remercie pour la leçon que vous avez faite tout à l'heure. Mais réellement, nous sommes au courant de ce qui se passe sur le territoire et vous n'avez rien appris tout à l'heure. Mais excusez-moi, donc, vous me permettez que je finisse ? Mais Madame Toki, j'ai déjà répondu. Alors, je finis ce que j'ai à dire, oui, vous voulez vraiment me couper la parole, c'est ça ? Vous n'allez pas m'agresser. Vous n'allez pas m'agresser, Madame Toki, quand même. Ce que je suis juste en train de vous dire. Oui. Ce que je suis juste en train de vous dire, Madame Toki. Mais vous n'avez rien à me dire, j'ai pas terminé. D'accord, agressez-moi, continuez. Eh bien, moi, je vais vous répondre, Madame Toki. Je me permets. Peut-être qu'effectivement, vous allez pouvoir peut-être la poser la question. Mais Madame Toki, j'ai répondu à ça tout à l'heure. J'ai fait une réponse globale. Je n'ai pas posé de question, Madame Labiche. Alors, je comprends effectivement que vous avez préalablement écrit votre intervention et que vous avez besoin effectivement de la citer. Peut-être que ça aurait été bien de la faire tout à l'heure. Mais je ne vais pas répondre à nouveau la même chose. Mais je ne vous pose pas de question, Madame Labiche. Vous vous sentez obligée de répondre ? C'est étrange. C'est incroyable. Je ne vous pose pas de question. Mais on va y repasser du temps, si monsieur le maire. Je ne vous pose pas de question. D'accord, laissez-moi finir. Je ne vous pose pas de questions, Madame Labiche. Mais vous n'avez pas besoin de m'agresser non plus. Mais je ne vous l'agresse pas, madame. Vous utilisez vraiment un ton très agressif qui est vraiment inquiétant, mais vraiment. C'est vous qui êtes. J'en fais quoi, toi ? Et en plus, ça ricane. Bon, alors je termine ce que j'ai à dire, hein, puisque voilà. Donc, ce qui est difficile à cacher, je disais, ce sont les fermetures successives de structures d'éducation populaire. Ces structures apportent un service qui est nécessaire à la population. Elles sont même de plus en plus sollicitées pour prendre en charge des activités qui relèvent normalement de la compétence municipale. C'est-à-dire que la ville se décharge d'un service public dont elle a la responsabilité. Mais vos financements restent insuffisants. Et nous l'avons rappelé, ils conduisent à l'épuisement des bénéficiaires. Et ne permettent pas d'assurer la pérennité des actions proposées à la population. L'accueil périscolaire, on en a parlé, est un exemple, l'exemple le plus criant. Ensuite, aujourd'hui, d'autres structures telles que la MJC des Tilleuls ou encore l'Amicale du Crédroc sont en grand danger et ne savent pas jusqu'à quand elles seront encore en capacité d'assurer leurs activités. Je ne parle même pas des locaux qui ne sont pas toujours suffisamment entretenus. Pourtant, les structures d'éducation populaire, que ce soit les centres sociaux, que ce soit les amicales laïques ou encore les MJC, les FJEP, font partie intégrante de l'ADN de Saint-Étienne. Elles représentent une richesse et un dynamisme qui a toujours surpris nombre de personnes arrivant sur le territoire stéphanois. Si elles sont en danger, ce n'est pas seulement, comme vous essayez de le faire croire, à cause de la hausse du coût de l'énergie ou du désengagement de l'État. Non, ces éléments contribuent en effet à la fragilité de ces structures sur l'ensemble des territoires nationaux, on se rejoint là-dessus. Mais comment expliquer qu'à Saint-Étienne, les structures n'ont d'autre choix que de mettre la clé sous la porte ? On voit bien que, contrairement à vos effets d'annonce, le bien-être social n'est pas le pilier de votre politique municipale. Au contraire, c'est le parent pauvre de votre gestion. Cette gestion est catastrophique, aussi bien à court que moyen et long terme. Donc désormais, vous le savez, de nombreux habitants craignent de voir disparaître ces lieux de vie essentiels et se montent en collectif pour que des activités perdurent dans ces locaux, même sans la structure d'éducation populaire porteuse. Vous voyez qu'on est au courant de ce qui se passe quand même. Les élus écologistes osent espérer que vous leur permettrez de s'organiser afin de mettre en place des tiers-lieux pour qu'ils continuent d'animer la vie du quartier et d'améliorer le quotidien. Et il est tout à fait compréhensible qu'ils ne vous aient pas encore interpellé, puisque avant de vous proposer un projet, il faut qu'ils aient le temps de le monter correctement. Merci. Merci à Mme Labiche pour répondre à Mme Dumestre. Alors très rapidement, alors il n'y a pas de question, c'est vrai. Très rapidement, oui, c'est vrai, Mme Dumestre, je vais y répondre, c'est très clair au niveau des questions. Mme Toki, voilà, exactement. Madame Toki, je ne vais pas reprendre en fait toute l'explication que j'ai donnée. Juste vous dire quand même une chose. Pour moi, c'est de la démagogie. De la démagogie ou de la méconnaissance totale du terrain. Et c'est tellement de la méconnaissance totale du terrain où on ne vous voit ni sur les assemblées générales des structures concernées, notamment les centres sociaux, ni les manifestations où nous sommes présents. C'est pas vu à certaines où on nous donne la parole en nous remerciant justement, nous, la ville de Saint-Etienne, du soutien qu'on leur apporte. Et je vais aller encore plus loin, Madame Toki, parce que vous avez travaillé dans un de ces centres sociaux, d'accord, qui était en très forte difficulté pour un certain nombre de raisons budgétaires, mais aussi de gestion de la part de l'ancienne équipe, qui aujourd'hui ressort la tête de l'eau grâce à l'arrivée d'une directrice qui a bien compris en fait ce qui se passait avant, et on passe d'un déficit de 150 000 euros à un résultat qui est excédentaire. Donc comprenez aussi que ce n'est pas qu'une question budgétaire. Et donc ce que vous faites, désolé de vous le dire, c'est malhonnête. Madame Dumestre, vous avez posé deux questions très claires auxquelles je vais répondre. Vous posez la question, effectivement, s'il y a des baisses de subventions par rapport à cette délibération. Cette délibération, c'est une délégation de crédit. Donc, ce sont des projets portés par Brigitte Masson sur la partie sportive et ma collègue Nicolas Bourdi sur la partie senior. Nous sommes en train d'auditionner avec M. Bacli les 170 projets qui ont été portés par 70 structures dans le cadre de la politique de la ville. Il y en a une cinquantaine d'autres aussi qui vont être auditionnés là, sur l'ensemble du mois de mars. Et je me suis engagée à dire aux structures fin mars, début avril, les enveloppes que nous proposerons au conseil municipal habituel du mois de mai, de façon à ce qu'elles sachent que l'enveloppe sur laquelle elles pourront compter pour réaliser leur projet. Donc non, il n'y a pas de baisse de subvention. L'année dernière, je n'ai jamais indiqué qu'il y aurait de baisse de subvention et pour le fonctionnement et pour le projet. J'ai dit que les économies, Madame Dumestre, allaient être faites sur des dépenses qui sont dites aveugles. Donc notamment, vous savez, les places de cinéma, parce qu'on les a conservées, mais les places là, de Noël, où on a conservé quand même les places de Grand Roux, des ciné-quartiers qui étaient un petit peu moins nombreux, mais je vous annonce, si vous ne l'avez peut-être pas identifié, que nous n'avons pas baissé les subventions aux centres sociaux, sur les deux aspects. Donc que ce soit sur l'appel à projet ou sur la baisse des subventions. Sachez aussi qu'à Saint-Etienne Métropole, nous avons débloqué une enveloppe spécifique pour soutenir les projets des structures d'éducation populaire à l'échelle de la métropole. Donc vous voyez bien qu'il y a une enveloppe supplémentaire et dans le cadre du plan alimentaire territorial et dans le cadre de l'animation des quartiers avec Saint-Etienne Métropole. Pour répondre à votre deuxième question, vous posez la question lorsqu'il y a une fermeture de structures sur un territoire, est-ce que nous faisons des économies sur le dos de ces structures ou de l'animation de vie sociale? Non. Nous la remettons au pot commun dans la délégation qui est portée par M. Bacli et moi-même. Et en fonction du projet et des demandes des structures, eh bien, nous réinjectons cette enveloppe pour pouvoir soutenir des projets à destination des enfants ou des familles. Voilà, donc extrait du conseil municipal de mars dernier. Désolé de vous exposer à nouveau à ce voilà, teneur aussi de ces échanges. Voilà, on sent que c'est un point sensible hein, au sein même du conseil municipal. Règlement de compte à l'instant aussi sur ces questions. Mais voilà, je souhaitais aussi, Nicolas et François, avoir vos réactions quant à voilà, aussi ces annonces, menaces, difficultés en tout cas auxquelles font face ces nombreuses structures sociales et d'éducation populaire sur la ville. Et puis de réagir hein, aux propos même peut-être tenu à l'instant. Alors, c'est vrai que la tension qui règne au conseil municipal de Saint-Etienne depuis quelques mois n'aide pas à ce que le citoyen puisse comprendre les tenants et les aboutissants et ses enjeux. J'avoue que moi-même, j'ai mis de nombreux mois, voire même plusieurs années, à comprendre vraiment ce dont il ressortait. Et il faut une certaine expertise, enfin tout du moins connaissance du fonctionnement pour arriver à se faire un avis éclairé. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la situation que vivent les amicales, elle n'est pas uniquement liée à l'attitude de la mairie, c'est lié à l'attitude de l'ensemble des financeurs et par-delà même du gouvernement. La mairie elle-même est tributaire hein, des règles d'affectation d'un certain nombre de dotations budgétaires qui fait qu'elle se retrouve en difficulté pour financer les services publics. Nous, à l'Amicale, on a fait le choix de conserver un secteur enfance Parce que on estime que c'est le cœur du réacteur, quoi, de l'amicale. Pourquoi ? Parce que dans le secteur enfance, il y a tous les enfants, et donc du coup, tout le monde se croise au moins à cet endroit-là, quelle que soit son origine sociale, son statut professionnel ou autre, au moins tout le monde se croise au secteur enfance. Et aujourd'hui, le secteur enfance est un secteur qui pèse financièrement sur notre budget. Et même, ça va vous paraître très contre-intuitif, hein, mais on s'est rendu compte que plus le secteur enfance est attractif, plus il attire des nouveaux enfants et plus la structure porteuse perd de l'argent. Et ça devient vraiment un problème. Et donc aujourd'hui, nous, on garde la tête hors de l'eau parce qu'on a un réseau populaire au sein du quartier pour monter des projets, lancer des nouvelles initiatives et donc du coup attirer des financements sur ces financements de projets pour pouvoir continuer maintenir le flux de trésorerie. Mais si seulement on devait compter sur les ressources stables pour financer ce service public là, et ben on serait déficitaire davantage qu'on ne l'est déjà. Juste quelques mots sur notre situation financière. Donc effectivement, on a terminé l'exercice 2023 avec un lourd déficit de plus de 20 000 euros, 23 000 exactement. On repart sur des bas. On va avoir un déficit un peu moindre cette année, mais on va avoir quand même un exercice déficitaire. Et aujourd'hui, notre visibilité, elle est de l'ordre de 3 à 4 ans. C'est-à-dire que si la situation reste telle qu'elle d'ici 3 à 4 ans, eh ben, l'amicale laïque du Crédroc sera obligée de fermer à son tour. Et aujourd'hui, la situation n'est pas périlleuse dans l'immédiat, mais il faut qu'on trouve dans notre modèle économique des façons de redresser la situation et de pérenniser les choses. Un autre mot, en fait, c'est pas que des questions budgétaires, hein, c'est aussi des questions de rapport au travail. Parce que derrière ça, derrière la problématique du financement, il y a des problématiques de financement du travail des salariés de l'amicale et notamment des animateurs. Et ce qu'on tient à répéter à chaque fois, c'est que ce qui fait qu'on perd de l'argent, c'est aussi parce qu'on tient à pouvoir pérenniser, maintenir dans l'emploi des animateurs. Et le problème qu'on a, c'est qu'on les recrute dans des contrats de type aidé pour lesquels on bénéficie d'aide pendant un certain temps. Et quand les animateurs montent en compétences, se professionnalisent, veulent rester dans leur emploi, et ben c'est à ce moment-là que les difficultés se présentent pour la consolidation aussi des postes et des emplois. Exactement. Et nous, on revendique le fait qu'animateur, c'est un vrai métier. Créer du lien avec les enfants dans la durée, les faire grandir, c'est aussi important. Et on ne peut faire ça qu'en gardant les emplois de manière non précaire et avec des salaires décents. C'est aussi ce qui nous importe. Il est important de rappeler que vous êtes une structure employeuse, une association employeuse. Vous comptez combien de salariés aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a deux salariés à plein temps qui sont le directeur du centre de loisirs et la coordinatrice. Et puis, on a quatre animateurs plus un volant d'animateurs qui viennent en complément sur les temps de vacances scolaires. Voilà. Et oui. Alors simplement, il était bon aussi de rappeler que la ville n'est pas seule financeuse. C'est important de le rappeler parce que vous dépendez de multi-financements finalement, hein, de différentes instances. Oui, on dépend de multiples instances. Donc, notamment sur le secteur enfance, la ville intervient beaucoup, mais aussi la CAF. Et c'est peut-être aussi là qu'on a un souci, c'est que probablement que le coût du service n'est pas évalué à sa vraie dimension. Après, par rapport à ce que disait François, moi je compléterais bien par le fait qu'il y a un certain nombre d'activités qui ne nous coûtent pas cher parce que, en fait, c'est les bénévoles, les militants d'associations qui font vivre l'activité. Ouais, c'est beaucoup le cas autour de la CAL. L'autre chose, c'est qu'on est quand même très enfermé, et le débat du conseil municipal le montre, dans cette logique de projet d'abord nous prend énormément de temps en administratif, en amont. Dans le montage des projets, dans leur réalisation, dans leur bilan. Qui en fait répond mal. Cette année, on a obtenu une grosse subvention dans le cadre de la boucle locale pour l'investissement, et on n'arrive pas en fait à à cerner le besoin, donc on a acheté des choses, mais c'est pas forcément là où on a, où sont nos vrais besoins. Nos vrais besoins, c'est effectivement d'avoir des salariés qui peuvent s'inscrire dans un projet, donc à long terme, le secteur enfance, l'animation de la CAL. On pourrait avoir notre coordinatrice, il passe beaucoup de temps, mais peut-être que ça nécessiterait qu'il y ait une autre personne en complément. On a eu par moment un service civil qui nous a beaucoup aidé. C'est vrai que pour le moment, il n'y est plus, et on n'en a plus, ça manque. Et ça, c'est des besoins qui devraient s'inscrire dans une politique à long terme par rapport à ce qu'est l'éducation populaire, ce qu'est l'animation dans la ville, de quoi la population a besoin, et partir des besoins de la population et non pas des contraintes budgétaires de la ville, enfin, même si in fine il faudra en tenir compte. On a vu cette logique se développer bien sûr dans le secteur de l'éducation populaire, mais aussi du secteur associatif finalement. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes à même de pouvoir apprécier, mesurer la part de subventions de fonctionnement et de projets, comment l'une a aussi été peut-être en déséquilibre par rapport à l'autre, ou non, qu'est-ce qu'il en est effectivement aujourd'hui? Ce qui est certain, c'est que la part fonctionnement ne baisse pas, encore heureux, elle reste stable, mais elle ne suit pas l'inflation. Et donc, progressivement, la hausse des coûts qui est générée par l'inflation, les salaires dans l'animation sont indexés sur l'inflation. Donc, mécaniquement, quand les prix augmentent, il faut augmenter les salaires, et c'est bien normal. Ils doivent être compensés par davantage de projets, davantage de réponses à appel d'offres. Pour venir combler, quoi. L'appel à projets, ça pose aussi des problèmes de flux de trésorerie, parce qu'il faut les refaire chaque année. On a des réponses qui sont plus ou moins tard en fonction des financeurs auxquels on se répond. Et souvent, on sait qu'un projet est financé après qu'il ait lieu. Typiquement, on parlait de Friche en Fête tout à l'heure. Friche en Fête, quand on a démarré le festival en juillet, on n'avait pas de réponse sur, je crois, 3 500 ou 4 000 euros sur un projet qui en compte, dont le budget est de 12 000. C'est conséquent, c'est une prise de risque importante pour nos structures. Mais alors, rapport à ce qui vient d'être aussi énoncé là, dans l'extrait que l'on a entendu, et puis par rapport à ce que l'on peut entendre aussi sur la ville, que finalement la collectivité ne jouerait pas son rôle à la fois pour réguler, voire juguler parfois les difficultés, voire les naufrages. Finalement, ce n'est pas une réalité. En ce qui vous concerne, il n'y a pas eu de baisse, que vous pouvez confirmer là, de subventions de fonctionnement. Non, à ce stade, et de projets. À ce stade, non. Voilà, on n'a pas besoin de... le problème n'est pas un problème de montant, il est un problème de visibilité. C'est-à-dire qu'on a des financements qui ne sont pas pérennes et qui ne nous offrent pas assez de visibilité. Par ailleurs, aujourd'hui, les financements dont on bénéficie sont suffisants pour faire travailler des personnes dans des statuts précaires. Elles ne nous permettent pas de pérenniser les postes. Les postes. Et puis, petite aussi nouvelle sur votre santé financière, parce que je l'ai vu apparaître dans la dernière newsletter que j'ai reçue, c'est que, on a parlé là du conseil municipal du mois de mars, mais au conseil municipal du dernier, avant l'été, de juin, vous êtes vu octroyer une subvention justement d'un montant total de 15 000 euros contre 2 000 euros octroyés l'an dernier. Donc c'est une aide aussi supplémentaire et augmentée qui va vous permettre de résorber une partie du déficit, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a eu un jeu, on a un peu dramatisé la situation lors de l'Assemblée Générale, et que visiblement la mairie en a tenu compte et a renvoyé l'ascenseur. Après, c'est des projets, donc c'est pas des financements pérennes, et ce dont on a besoin, c'est qu'on évoquait de se de financer. Après, c'est vrai qu'il y a aussi une chose qu'il faut qu'on puisse dire, c'est que le bâtiment est municipal, et c'est une aide en nature qui est quand même très significative. Conséquente. Et je pense que si on n'avait pas cette aide-là, on serait incapable de fonctionner. Mais... Oui, la mairie prend en charge le bâtiment ainsi que les fluides, ce qui dans la période actuelle est vraiment une aide précieuse. Très bien. On va devoir arrêter là cette émission qui a aussi un peu débordé de son horaire imparti, mais nous avons néanmoins le temps et nous pouvons le faire aujourd'hui, donc pas de soucis. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation, un bel anniversaire surtout. 100 ans, ce n'est pas rien. Vous allez sans doute le fêter une seule fois dans votre vie et dans notre vie, malgré toutes ces difficultés. Et puis encore récemment, parce que vous êtes victime aussi, là, de, on peut le dire, hein, de cambriolage à répétition. C'est vrai. Hein, c'était encore la mauvaise nouvelle à l'issue de ce week-end. Ouais. Ça, ouais, c'est ouais. quand même aussi difficile d'un lieu aussi tel que celui-ci, victime d'actes... à répétition de ce type-là. Ça fait quoi, une dizaine de fois déjà durant cette année? On est à la 8e incursion depuis le début de l'année, ouais. On a subi des actes de malveillance, on a du mal à bien comprendre d'où ça vient. À chaque fois, c'est des choses avec très peu de valeur, des sommes ridicules qui sont volées, et c'est assez incompréhensible. Et c'est vrai que ça pèse aussi. Bah oui, ce qui rajoute à l'inconfort et aux difficultés. Tout à fait. En tout cas, un bel anniversaire à nouveau, les 100 ans de l'Amicale, et on vous espère 100 ans à nouveau à même venir, Milan, pourquoi pas. Même Milan, bien sûr, sont des structures absolument indispensables et importantes, bien sûr, sur la ville, et vous l'avez démontré. Les 100 ans de l'Amicale du Crédroc, ça se passera donc 16 rue Royer à Saint-Étienne, en Vaumur, en Vaulieu, à partir de 14h samedi après-midi, on l'a dit, en prise de parole, présentation d'activités, d'animation, l'ouvrage Une histoire de l'Amicale avec du Crédroc, une conférence sur l'éducation populaire et le concert d'Amazir encore samedi soir. Merci à vous d'être venu. Merci beaucoup. Et on vous souhaite une bonne continuation. Et on va terminer en musique en guise de générique de fin avec un événement précisément qui se déroulera à l'Amicale laïque, mais la veille. Ce sera vendredi soir. C'est dans le cadre de la quinzaine Louise Michel qui se déroule actuellement depuis début septembre et jusqu'à ce dimanche d'ailleurs en différents lieux là, de la ville. Mais l'Amicale laïque a été partie prenante hein, à de multiples reprises de cette quinzaine Louise Michel. Et il y aura ce temps vendredi soir à partir de 20h en lecture, en table ronde également, et en musique surtout, en concert dans les journées du matrimoine là. Donc voilà, ces journées du patrimoine et du matrimoine en préouverture vendredi soir dès 20h avec La Barricade, avec Mondaine, avec de la poésie, Armel Dumoulin et j'en passe, et le retour notamment de La Baronne, artiste locale qui a passé quelques années au Québec et qui est de retour ici à Saint-Étienne et qui proposera un nouveau répertoire dans le cadre de cette quinzaine Louise Michel. Ses chansons indociles, comme elle l'a titré précisément pour ce répertoire qui sera proposé vendredi soir. Donc on va terminer avec justement eh bien, une proposition de La Baronne et un de ses titres qui figurera à ce répertoire. C'est issu, me semble-t-il, d'un texte ou inspiré d'un texte de Jean Genet. C'est un chant d'amour de La Baronne que l'on écoute en guise de générique de fin. Tout bon chez vous, portez-vous très bien. Ciao, bye. Descends du ciel où dorment tes brebis. Au duvet d'un berger, bel hiver, je te livre. Sous mon haleine encore, si ton sexe est de givre. Aurore, le défait de ce fragile habit. Est-il question d'aimer au lever du soleil? Leurs chants dorment encore dans le gosier des pâtres. Écartons nos rideaux sur ce décor de marbre. Ton visage ahuri, saupoudré de sommeil. Ta grâce m'accable et je tourne de l'œil. Beau navire habillé pour l'annonce des îles. Et du soir où te vergue insulte difficile. Où mon continent noir, ma robe de grand deuil. Quand l'air en grappe d'or, un instant hors de Dieu, il respire et s'endort, soulagé de vous rendre. aidé de votre main, je crois le ciel descendre. Et tendre déposer ses gants blancs sur nos yeux. C'est sa douceur surtout qui t'isole et répand. Sur ton front délicat, cette pluie de novembre. Quelle ombre, quelle Afrique enveloppe tes membres. Crépuscule de l'aube habité d'un serpent. Valsefeuilles à l'envers et brouillards égarés. À quel arbre noué, fleur du vent, s'est échappé. Mon doigt casse le gel au bois de votre harpe. Fille des joncs debout, les cheveux séparés. Oh, au port de ma casquette, un brin de noisetier. De travers accroché, l'oreille me chatouille. Dans votre cou, j'écoute un oiseau qui bafouille. Dorment mes chevaux debout dans le sentier. Caressant l'œil distrait l'épaule de la mer. Ma sandale est mouillée à l'aile décousue. Je sens ma main gonflée sous ta chaleur moussue. S'emplir de blancs troupeaux invisibles dans l'air.